Juste deux ou trois mots pour parler de deux mots. Affection somme toute banale. Mais comme tu es idiot, ça t'amuse les bobos qui touchent nos précieuses parties génitales. L'orchide. Mais c'est en mode manuel que je me fais mousser le créateur.